Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. Les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, les homepages d'internet du Comité national nigérian d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-unisme et du groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée ont présenté son inspection de l'usine des souvenirs du haut lieu révolutionnaire de Mangyongdae, alors que le homepage d'internet brésilien Marcha Verde, les homepages d'internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée ont rapporté sa visite à la fabrique de l'eau minérale de Leong Hwa San. Les médias ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.